Jasmine, tu peux stopper deux secondes, s'il te plaît? Voilà, tu vois, il suffit de demander. Merci. Donc voilà, monsieur le drummer, on peut démarrer. Ah merde, c'est parti en haut. Il est susceptible, trop marre. Oh, cool. Tout le monde s'est arrêté. Bon, monsieur le drum, vous pouvez partir. Thank you. Thank you. Thank you.

Bye.